Thank you.

m'aviez chuchoté. Je n'ai pas vu votre visage, mes yeux éteints. Mes yeux étaient enveloppés d'une forte chaleur. Les odeurs de corps, les bruissements, les gémissements ont parcouru les murs, ils ont habillé mon ombre. Mes reins ont dansé tard dans l'heure. Cette danse, ce chant dans la nuit, je sais qu'ils vous sont parvenus. Merci pour le moment d'une rare douceur, d'une étrange volupté. Thank you.